frappe bancale, j'oublierai tout le mal et tout ce temps trop court. Une saison s'en va sur la pointe des pieds que j'ai toujours compté, les rimailleurs des 100 pas, de tous les pas perdus, de tous les pas trouvés, à chercher, oublier, délaissés dans la rue. Pèlerin de mes jours, toujours un peu bancal, j'oublierai tout le mal et tout ce temps trop court. Quand la chanson m'emmène sur des airs autrefois, pour dire l'amour est roi et tu en es la reine, j'oublie que je ne suis qu'un maillon de la chaîne, rien qu'une infime graine dans le champ de la vie. Pèlerin de mes jours, toujours un peu bancal, et tout le mal et tout ce temps trop court. Et quand sonne l'automne avant le grand hiver, on est un peu moins fier, comme s'il y avait malhonne. On meurt sur le temps, que dure une saison, que dure une chanson, à trois ou quatre temps. Pèlerin de mes jours, toujours un peu bancal, et tout le mal et tout ce temps trop court. Pèlerin de mes jours, un peu bancal, j'oublierai tout le mal et tout le temps trop court.